Et là, je vais vous donner des chiffres qui, personnellement, m'ont surpris, m'ont même renversé. C'est écrit tout petit. Il faut prendre le temps de les lire. C'est dans un rapport qu'on appelle le rapport statistique de la clientèle d'aide sociale. Oh. Le jeune plainte. T'es courageux, là. Le jeune plainte. Tu parles d'aide sociale, vraiment, là? Mm. C'était ça, ton enveloppe? Bon. Deux plaintes. On est rendu à combien de plaintes, Laurent? 3, 4. Là, j'ai surtout, rien dit à date, tu là. Fais attention, OK, je vais faire même attention. Là, tu fais attention, surtout, pour ne pas aligner les deux lettres sataniques. AS? Okay. Aide sociale? Non, les deux c'est autres lettres, là. Qu'on... Bon, tu fais pas ça, là. Mais tu sais des... Non, mais tu sais que la lettre est écrite, est déjà signée. Fais attention. C'est des assistés sociaux. OK, merci. Regardons... dans l'ensemble du Québec,